Vous écoutez le podcast de Bookalicious et je suis Tara Lenhart. Place à un genre que l'on peine à apprécier à sa juste valeur. Si nos voisins anglo-saxons les mettent au même niveau que les autres, en France, on rechigne à considérer les littératures de l'imaginaire comme aussi respectables que l'autofiction, par exemple, où il y a pourtant autant de récits sans intérêt que d'heroic fantasy érotique bas de gamme. Pourquoi ce mépris, concrètement ? Ce serait long et ennuyeux d'en trouver les raisons, entre ce snobisme insupportable et cette arrogance bien française de « c'est celui qui dit qui y est ». Disons simplement que mépriser les littératures de l'imaginaire relève souvent d'une profonde inculture en la matière. Parce qu'elles nous bercent depuis notre enfance et qu'elles méritent une juste place dans la critique littéraire, nous avons décidé d'en parler plus souvent. C'est donc le cas aujourd'hui avec deux Américaines, Frances Stevens et Le coffret des abîmes, traduit par Michel Pagel aux éditions Marie Barbier, et River Solomon avec L'incivilité des fantômes, traduit par Francis Guévremont aux éditions Aux Forges de Vulcain. Honneur aux aînés. Commençons par Frances Stevens, qui est une femme, et son coffret des abîmes, datant de 1918, est resté inédit en France jusque-là. Bravo, Marie Barbier. Sous le pseudonyme de Frances Stevens se cache une certaine Gertrude Mabel Barrows, à qui l'on accorde la création du sous-genre ô combien important, la dark fantasy. Parenthèse, je ne rentre pas dans les classifications et explications, ce sera l'objet d'un autre sujet à part entière, podcast ou article, je ne sais pas encore. Revenons à Frances Stevens. Nouvelle, roman, l'essentiel de la carrière de cette pionnière se situe entre 1917 et 1923 et oscille entre dark fantasy et science-fiction. Notre coffret, lui, aurait influencé le maître incontesté du genre, Howard Philip Lovecraft. Ce court roman raconte l'influence maléfique d'un artefact, mystérieuse boîte à l'apparence de lave verte, rapportée par des marins lors d'une expédition en mer, et qui échoue entre les mains de Jesse J. Robinson, collectionneur bougon et misanthrope qui vit avec sa nièce Leila. Or, l'artefact appartient à la puissance démoniaque d'une ville aztèque oubliée et qui n'apprécie pas du tout qu'on le lui ait volé. Le coffret distille son venin maléfique dans les rêves et conduit les gens qui le gardent trop longtemps avec eux à la folie. Des hallucinations commencent à s'inviter chez les Robinson et ils font alors appel au docteur Vanaman, qui n'a Dieu que pour Leila. De cauchemars en mort violente, d'hallucinations en expédition pour rendre l'objet à son propriétaire, l'aventure ne va pas laisser ses participants indemnes. Et pour cause, on ne se mesure pas comme ça à des puissances sans âge. Tous les éléments de la dark fantasy sont donc rassemblés, avec cette aura de mystère maléfique, la nécessité de rendre à la puissance ce qui lui a été dérobé sous peine de finir mort ou fou, ou les deux. Il y a également la lutte entre lucidité et possessivité qui n'est pas sans annoncer un certain Gollum avec le précieux, vous l'aurez. Bref, voilà. Parenthèse féministe, en fantastique ou en fantasy, on croise souvent des personnages féminins étonnamment moins stupides que dans la littérature plus classique. Je pense notamment à Mina Harker, dans Dracula, l'exemple le plus parlant, il y en a d'autres. Et là aussi, nouvelle parenthèse, peut-être un jour un sujet, les femmes dans le fantastique. Par exemple, ce serait intéressant. Quelques mots sur le style, pour finir. Parfois, la fantasy brille par ses idées, la nature des récits, l'enthousiasme de ses auteurs, mais pêche par un style un peu basique, un peu maladroit. Il a déjà pourtant été démontré que certains auteurs restaient des maîtres absolus du genre en utilisant des adverbes à l'appel et que les maladresses n'étaient en rien problématiques. Mais bon, parfois, voilà. Ici, ça n'est pas le cas. Frances Stevens déploie une langue fluide qui épouse ses descriptions imagées à l'ambiance dosée pour ne jamais perdre en crédibilité. À une écriture classique se conjugue un rythme moderne qui font de ce roman un incontournable en matière de littérature, tout court. C'est tout le bien que j'ai pensé de Le coffret des abîmes de Frances Stevens, traduit par Michel Pagel aux éditions Marie Barbier. Place à une dystopie contemporaine, dans le sens où l'a été écrite récemment, avec L'incivilité des fantômes de River Solomon. Souvent, la SF se pare de vertus politiques et sociales. Par le passé, elle a déjà servi à dénoncer un système existant. Elle a pu annoncer des dérives aussi, comme le 1984 d'Orwell. Ici, il est question de critiques sociales et sociétales. Nous sommes à bord du Matilda, un vaisseau errant en boucle depuis 3 siècles qui contient à son bord les derniers humains. Derniers, mais toujours aussi violents, dominants et établis en caste. Au sommet, surprise, les blancs riches qui gouvernent de manière dictatoriale, bien sûr, dans le ventre du vaisseau et ses ponts agricoles servant à nourrir l'ensemble de la population, ponts qui sont segmentés de A à Z, il y a la population au dialecte différent, ce qui rend donc nécessairement compliquée la cohésion. Humiliés, battus, violés par les gardes, les femmes et les hommes sont victimes d'une oppression sans limite en rapport avec leur statut social d'esclaves entassés dans des dortoirs. Parmi eux, il y a Aster, botaniste surdouée et guérisseuse, et apparemment, ça n'est jamais énoncé, j'y reviendrai après, autiste Asperger et transgenre. Épaulée par une amie complètement incontrôlable, elle se lance dans le décryptage d'un manuscrit codé, laissé par sa mère morte mystérieusement 25 ans auparavant. Sa quête personnelle va rapidement se télescoper avec une quête sociale de plus grande envergure et une remise en question du système dominant-dominé qui est de mise dans le Matilda. Reste à savoir si l'on peut survivre au fait de tenter d'à la fois pénétrer des secrets enfouis et de changer un système oppressif. River Solomon est une personne littéraire américaine non-binaire, fer de lance d'un courant nommé afrofuturisme. Au-delà des étiquettes ou de leur refus, ce qui frappe dans le livre, c'est justement la manière dont les particularités identitaires sont abordées. On croise des transgenres, des albinos, des asexuels, des intersexes, des bipolaires, des autistes, des homos, sans que jamais aucun qualificatif ne soit apposé. Par ailleurs, Solomon joue avec la langue en déployant une écriture poétique, emphatique souvent et plastique. Les mots se modèlent sur le vaisseau, perdent parfois le lecteur pour le récupérer quelques lignes plus loin, mais ne restent jamais immobiles. En bref, parce qu'il y a énormément encore à dire sur un roman qui aborde l'intersectionnalité de manière transversale, même s'il pêche néanmoins par quelques longueurs, l'incivilité des fantômes est un aussi fort à la croisée des genres et pose les bases d'une SF contemporaine engagée de manière explicite sur le front de la dénonciation des discriminations identitaires et sociales. Ça, c'était pour L'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, traduit par Francis Guévremont aux éditions aux Forges de Vulcain. C'est la fin de ce tour des imaginaires avec Francis Stevens et River Solomon. On se retrouve bientôt pour de nouvelles lectures, car lire, c'est bon !